l'hôtel encore, loco. Encore. C'est sur le jardin psychodélique hein. Oui. L'hôtel loco. Attends. 1, 2, 3. L'hôtel loco. On avait des idées, oui, mais ils sont détruits. Et un jour, dans le grand village, était arrivée une mère. Et tout l'hôtel loco s'était cassé. Et un jour, la mère a disparu. Et l'hôtel loco avait remis Sir Win en place. C'est bon. L'hôtel loco.